Ale, asiako kristel ekin gia ordian hor gaztik errezebituik, ordian zer prezentatu desie? Qu'est-ce que vous avez présenté? Bonjour, du coup, cette année, on organise la deuxième édition du Forum des métiers. Donc, sur la journée entière, on a prévu des petits stands avec différents professionnels du secteur souletin qui viennent présenter leur métier aux jeunes des établissements scolaires du coup du LARPS, du collège d'Arguilla, du collège Saint-François et du collège de Tardets. Et du coup, cette année, petite nouveauté aussi, on a 6 jeunes qui sont accompagnés par la mission locale et 9 personnes accompagnées par l'INZUP qui sont présents au Forum des métiers pour découvrir les métiers du territoire aussi. Et juste, tu peux expliquer qu'est-ce que c'est ça exactement, mission locale et INZUP, pour ceux qui ne savent pas? Les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les jeunes accompagnés par ces structures? Du coup, c'est des jeunes qui peuvent avoir de tout âge. Ça peut être des jeunes comme des moins jeunes qui sont... Pas des collégiens, donc c'est ça? Voilà, des personnes qui sont sorties du cursus scolaire et qui cherchent une insertion professionnelle quand même et qui du coup sont accompagnés par des organismes autres pour s'orienter, voilà. D'accord, eta, bon, ikusi dizuk bazela gaisa hanitz, ez dakit behar dienez hor representatu, me sumat ofizio edo alhor barnatu tutzie hor. Du coup, on a à peu près 25 professionnels ce matin et 25 oui. autres professionnels cet après-midi. On a essayé de varier un peu pour présenter tous les secteurs d'activité que pouvait présenter la SOUL. Et donc voilà, on a à peu près une cinquantaine de professionnels sur la journée qui sont présents. Et t'as assis à qui m'a dit si, et bah il libru bat ou et m'a éteint du si et gaster, bah d'a qui si et gaster, bah d'a libru voy à l'aise. Comme ça. Le livre là que vous avez sur les métiers, ouais. Ils le savent qu'il y a les jeunes ou vous leur donnez à la fin ou... Oui, du coup, on présente également aussi du coup le guide des métiers de la SOUL qui fait un peu complément au Forum des métiers. Où les jeunes peuvent soit le lire un petit peu sur place et sinon on leur présente un petit QR code pour qu'ils puissent avoir accès sur leur portable pour voir la version numérique et les vidéos également du guide de métiers qui présente d'autres métiers qui ne sont pas présents forcément aujourd'hui sur le forum. Et ta gasteroyen galtuak serdia, qu'est-ce qu'ils demandent à ces jeunes? Les jeunes du coup demandent, ils aimeraient avoir peut-être un petit peu plus... des métiers qu'on n'a pas présentés ou comme ça, comme militaires ou des métiers agricoles qui ne sont pas très présents aujourd'hui. Mais ils sont assez contents de pouvoir échanger avec les professionnels et voir concrètement à quoi consistent les métiers sous forme d'échanges. Et ils ont pu préparer aussi à l'avance des questions, donc pouvoir avoir des réponses à leurs questions sur les différents métiers. Et t'as dit, le HEN, c'est du sous, je t'ai dit, le forum des métiers, il y a eu un Et là, c'est la seconde année qu'on organise ça. L'année dernière, on avait fait pour la première fois. Ça avait assez bien fonctionné. Mais cette année, du coup, on a encore plus d'établissements scolaires et plus de jeunes qui sont présents. Et également, beaucoup plus de professionnels du terrain qui ont répondu présents et qui sont là aujourd'hui, du coup, pour présenter leur métier. Donc, tu as ordin d'agun ourtine à Réguin Indusier, non, oui. Exactement, voilà. On compte recommencer l'année prochaine et on espère peut-être, si on arrive à trouver les moyens nécessaires, avoir plus d'élèves si la demande est là et encore plus de professionnels et de métiers variés pour présenter leur métier. On te fait chier, Karikanich. On te fait, et ta badakissi sert l'ambide et sert officio Réguin Indusier, Béantago? Photographe. Agent de sécurité cynophile. Mécanique auto et militaire. Je reste sur mon idée. Oraindik niretza oso asko geratzen zait, baina gutxinaka ingenieritza den bat edo enfermeritza, baina oraindik ez dakit oso ongi. Nik ere asko ditut, adibidez, uste dut medikuntza ikasiko dudala, oso interesgarria delakoa, baina ideia asko ditut oraindik, oroan uste dut oraindik oso goiz dela. Barnatu tutzie, zer ikasi duzie egun? Ni ikasi dut, dela pizka bat jeren ara, aldusuna egin nahi duzuna, baina joan behar zarela hartzen nahi duzuna, gustatzen zaizuna. Daudela oso lan asko, eta egin alduzula ba nahi duzuna. Ta lan gogorra kestela bortxatu untxa pakatuik. Ta de jeu. Beaucoup de choses sur les différents métiers, qu'ils sont tous différents et que... Enfin, qu'on a le temps d'abord avant de choisir et que... c'est surtout la découverte qui est intéressante aujourd'hui. Hik, zer maituk handuk partikularski, badea bat, hola, behiti ahanin xor, badea bat, txikitzen maituk. Moi j'aime bien les métiers de bouche parce que j'aime manger simplement mais j'aime aussi j'ai aimé le tourisme parce que j'aime voyager. Ni gehiago turismoa eta hori ze gustatzen zaizkit asko hizkuntza generalean eta ere bai bidaiatzea ere bai gustatzen zait asko. Untxa, eta holako egunaldi bat importantea da Baliodia, utiladea. Bah oui, comme j'ai dit, c'est on découvre et enfin oui, c'est important, il faut s'intéresser à tous les métiers et apprendre. Bai, egunak estutuk beti berak eta kamiatzenik. Bai, importantea da ikusteko zer egin nahi duzun gero eta horrela alduzu joan nahi duzun lekura eta egin nahi duzun lana. Niri importantea iruditzen zaiz, da importantea deskubritzea beste materia batzuk eta horrela ikusi alduzun importatzen zaizuna eta hori. Ben pour ceux qui savent pas quoi faire, ils peuvent découvrir des métiers qui n'ont pas soupçonné de s'intéresser ou comme ça. Tu voulais faire ? Oui, parce que ça nous apprend des choses sur les autres métiers qui existent. Gauza interesgarri asko ikusi ditugu, hainbat ekintzak eta adibidez ni psikologiara joan naiz eta abokatura eta oso interesgarria iruditu zait. Zier? Hemen, pues explikatzen du nola joaten da adibidez nahi baduzu izatea abokat, zer egin behar duzu, pues gero ere bai ze azterketa pasa behar dituzu, gero ere bai joan gara Agence de Voyage bat zela eta oso interesgarria izan da eta asko gustatu zait. Hala, gaztekin kurrituik, oai, zaharekin, bena jakaslekin. Ez hain beste ez hauz. Jakaslekin kurrituik ongituik, bon, xioko otzako behazalek, heltu bada segitzen haie deja presentatu behigun nien hi ofizioa, bena hortazten ahalduka zertan nahi izan. Nik txeko planek egiten tiazat, permisa pausatzeko, eta ahalduzak izaten etxe berriak, etxe berritziak, edo garaje, edo holako. Eta entrepresen izena da, zer da? Ene izena. Iriartot. Voilà. Iriartzen zirreja. Ordin hor gaztik errezebitu duzak, baduka ju jantxar hola gazten ukeiteko ala stukusua egitzen azkini? Ez. Ez, bon, deitzu ni jakiteko nahi niz ez jin, eta nik, bon, jin uke hena dinetan nik enakiantzer egin, usu hola duke bai, eta hortako nuk jin, her jakusteko ze egiten dudan, eta ebai erraiteko zumaiter eta kisi ze regin ez inketa aluzi bizitzin aluzi kambiatzen ebai nikola egin behitut, alga garrikin egin jaga lan emini bat. Eta ahaliago lan kambiatz, ahaliago taik egiten. Hoi ebai erraiteko duk. Eta justokin hor, haurek nula fen gazte hoiek, nula senditutu za gazte hoiek interesatuik? Bai, interesatuitu zeka galto hanis badie. Usu soz galtu adi, sumat soz jabazten duk lan horrek ilan. Eta geran dikarez? Ez. Bo, hoi badi, mena bainik zaman jat bat din hanitzeke baraki zer egin. Enetak ez tonagar, enetan errande jat deja enakian zer egin, mena hanitzeke baraki, hoi, bo, untsatza baiti jat, hobe hentako. Eta bai galto, bai nukuntza untsatza mantiatzat, bai. Eksperientzia hon bat ordina egiteko? Bai, eksperientzia hon dut, bai. Eskerrik hanitz. Deuzetaz. Hala, jarrikitzen dugu ordin gazten tako antolatuk den forum hortan, beste bi ofizioen presentatzez, ordin, siboko otzako behazarek zagutzen zuti, amini bat, ale, Miren eta Laida, Miren hasteko sozialan, ordin zue lana presentatu duzu, zer erraiten duzu gazte, hoi erheltzen diraik? Ebe aldu direlaik ez dakite bat ere zehnen ofizio hori, usu ezagutzen dute ezitzaile lana edo asistant sozial lana, eta ena ez baita ez bada, hor duen, ala, deskubritzen dute ne ustez mundu hori bedain egun. Eta zuik, zer presentatzen duzu hori? Be ni maite irrigoien eta ni, jingutuk berritza alkarte kulturala enizenin, Be Diego eta habosantza behitzuki bai kulturan profesionalki bizitzen halbeikia bai goe lanaz. Ordin goizuntan, be Argia eta San Françoako kolejokuk jintia, eta bi talde recibitu dutugu, basutien hen galtuk, ordin lau galtu talde bakotsak, jakiteko be zer formakuntzaik hengunin lan horta helzeko, zentako lan hoi haitatugunin, zer zian alde hunak, alde txarrak, eta yuk hengunin ez goe lan bizian zigarriko galt ze bat edo zerbait gaizki egin gunina, bordin, hala, bordin gaiza hunak partekatzeko eta gazten artin, behanitzek ez daki eso behaz erregin ahidean ondotik, edo ikan utugunen artin, bekirolaz interesatu ikanitz. Eta zuk bergaiza, bilduma egiten duzu? Zeran beste batek erranitaz, justokin haiku kentzuntinak oek basakera zen ahizien egin. Ebe hor ere badute ideia bat denek, mar, biziki largoa da, eukan dut ahmada, eukan dut sekuritatzia, sozialeko lana pixkat, aheman lanak, ala me biziki desberdina me nipentsatzen nuen, ba, sorpresa bat zen, zenta badakite zen nahi duten egin, bedain gure bitaldetan hor bai. Zer gaiten halda urentzeko important duzu zientako, ofen, atzamaiten duzu utila dela holako egun aldi bat? Bai, deia be Siberoko lanen presentatzeko, zenta ez dakite baita ezpada ze baden Siberuan, eta hori biziki importanta da. Eta hori ikusten da, badirela lan desberdinak, mundu desberdinak, hori biziki importanta da. Eta be lotura txikitzea gazteekin ere importanta da, beraz hala gure presentzia logika da. Zuk zer diosu, Leida? Ah, bai, mirenekin ados, holako egunak important behitia gazte gisa, eta gaitz baita, orientazioa gaitza baita, eta nustenka stres uturi handi bat izaten ahal baita ebai gaztentako. Eta bai, beguetako berritzen, profesional mundia eta intermitentzia ipatzen behituge, bai ez justu gu elana ebai, bena hunkitzen dutugun partaide oen lanak zer izaten ahal den. Eta ebai, amatur gisa zer egiten ahal dugun ebai kultura aldetik. Ordin ez justu profesional aldetik. Ordin izigarri interesgarri. Onça, mais je crée quand même si. Ouais, je crée quand même si.